Arca Firmata. On monte depuis plusieurs minutes et... Oui, amène-nous cet escalier. Je ne sais pas, mais ne t'arrête surtout pas, il est sur nos talons. Une course sans fer, j'espère qu'elle est... Ouverte, elle l'était en effet. Tu fais quoi un genou à terre avec ton revolver? T'as fait tourner la rate bras sur mon pas. Mets-toi derrière cette porte, Hélène. Je vais tenter de gagner quelques minutes. Quand j'aurai fini de tirer, tu la claques. La serrure est une clenche. Il va devoir tout défoncer pour ouvrir. T'as supposé que de là d'où vient ce monstre, les balles de pistolet fonctionnent? Je ne l'entends plus. Il est forcément là. Il arrive. Soyons prêts. Il est accroché au plafond, attention! Tu l'as eu? On dirait. De toute façon, je n'ai plus de balles. C'est notre va... Misérables armes sont sans effet sur moi! Je vais vous arracher vos... J'ai vu ma fin arriver. Allons-y, Hélène. Ça ne tiendra pas longtemps. Oui. Allons-y. On est sur les toits de la gare. Fais attention, Hélène. Reste bien sur la rambarde. C'est dangereux. Merci, j'avais remarqué. Il ne pourra pas casser aussi facilement cette porte et son armature en métal. Mais s'il y arrive, nous serons en mauvaise posture, Pernous. On continue d'en vers la tour, d'accord? Ça me va. Il la transformera en papier froissé, ta porte-ci. Tiens, ça s'est arrêté? Peut-être que ses blessures l'ont obligé à renoncer, au moins provisoirement. Je n'ai pas eu l'impression qu'il soit particulièrement blessé, notre fauve. Il prépare sûrement un mauvais coup, on devrait... Il arrive! Il court par-dessous les toits! Merde! Vermisso, vous ne m'échapperez pas. Glafagor, le désosseur, ne perd jamais sa proie. Au pied de la tour de l'horloge, une autre porte. On monte. Tu ouvres, je ferme, vite. Tu sais qu'il a pas l'air d'avoir besoin de sol horizontal pour courir. Il est probablement en train de grimper par l'extérieur. On fait quoi alors? On n'a aucune chance? C'est ce que tu veux dire? Tu me connais donc si mal. Préparons un plan d'attaque, c'est tout. Il nous attend là-haut, on peut... Moins fort. Je sais qu'il est là, c'est inutile d'en rajouter pour l'aider. Je fais ce que je peux. Et puis, sans pas presser de me sauter dessus. Il n'y a rien à première vue. Oh, c'est presque l'heure, mets-toi en place. Rappelle-moi pourquoi c'est moi qui dois grimper sur le report. Parce que tu es l'homme, mon cher, et qu'il faut bien que cela implique quelques contraintes de temps en temps. Encore quelques secondes. Oh, cette odeur. Il arrive à droite. Allez, je peux le faire, je peux le faire. J'espère que votre chair aura un goût succulent, petite larve. Maintenant! Vas-y, pousse la porte! Et tu vas tomber! Gros sac! Ça y est! Attention, Zaka! Quoi? Ne crie pas, c'est bon. Pernous, oh mon Dieu, j'ai eu si peur. Et comment est-ce que tu tiens à l'envers contre le mur? Griffe rétractile en acier sous mes chaussures. Une invention dont... Dont tu es extrêmement fier. Et tu as raison, mon frère. Tu peux en être fier. Allez, laisse-moi t'aider à monter. Tel que je te connais, t'as pas prévu le moyen de te hisser. Certes, je t'en serai reconnaissant. Eh ben, regarde la pagaille qu'il a mis en bas. Notre bestiole est tombée dans la cheminée d'une locomotive qui sortait de la gare. Et elle l'a fait exploser. On sent d'ici l'odeur abominable du soufre. Ah. Heureusement, il semble que ce ne soit que des dommages matériels. Même le chauffeur et le mécanicien sont indemnes. Là-bas, ils aident les derniers passagers à descendre. Impressionnant. Bon. C'est quand même complètement fou cette histoire. Il fait exploser la chaudière et dérailler le train. Si moi j'étais tombé, je serais cuit et c'est tout. Les gens normaux apparaissent rarement dans les nuages de soufre. On dit ça, je dirais de m'aider un peu. Après, nous allons retourner à la salle secrète. Je suis sûr qu'on peut y trouver. Yes, des choses. On est mieux sur Terre, hein? Tiens dans mes bras, espèce de génie. Ça va, ma grande. Merci pour le coup de main. Tu vois, l'action, c'est mon truc. Espèce de frimeur, je suis heureuse de te revoir là. Père me brûlerait depuis sa tombe si je manquais à ma promesse de te protéger, tu sais. Pas de soucis. La prochaine fois, tu montes sur le rebord, d'accord? Pas question. C'est le rôle de l'homme, ça.